C'est parti! C'est déjà la méga-vente Black Friday chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien et Robertval. Pendant tout le mois de novembre, nous sommes en Black Friday. Nous vous offrons donc des taux d'intérêt à partir de 0%, des rabais extrêmement avantageux sur tous nos produits. En plus, Jean Dumas Ford vous fait un cadeau. Recevez l'ensemble performance, pneus, roues, capteurs de pression, ainsi qu'une télé 55 pouces. Profitez avant tout le monde du Black Friday dans les trois Jean Dumas Ford de Robertval, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini. C'est avec grande fierté que je reçois, ben moi je l'ai dit il y a 2 ans lorsque je l'ai interviewé, lorsqu'il a pris sa retraite du football, c'est le pionnier. Moi c'est un des gars que dans les années 80-90, il n'y avait pas de Pierre Vercheval, il n'y avait pas de Mathieu Proulx. Quand il se passait quoi dans la NFL, qui se passait quoi dans la Ligue canadienne de football, les médias appelaient qui? Le coach Jacques Dussault. Pourquoi je parle à Jacques Dussault? Parce qu'au cours des prochains jours, il va lancer sa biographie. Bon après-midi, coach. Bon après-midi. Hey, coach, comment tu te sens en retraite? Est-ce que tu te sens que est-ce que ça va bien? Est-ce que tu aimes ça? Parce qu'on dit qu'en retraite, on manque de temps. Ben donc, je suis pas au niveau de la retraite, là. Je suis encore en train de d'amadouer ça. C'est pas le. Comme on dit chez nous, c'est pas les gros chars. Ouais. Mais il reste que mes deux garçons coachent présentement. Un avec les Diablos, Cégep de Trois-Rivières, puis l'autre à l'Académie des Estacades. Donc, ça me permet d'aller les voir. J'ai eu l'opportunité aussi d'aller passer une couple de semaines avec les Diablos. Fait que, c'est des choses qui sont agréables, mais faut dire que le livre m'a tenu tout de même assez occupé parce que ça nous a pris à Steve Vallière, celui qui l'a écrit, et moi, au-dessus de 3 ans. Ben trois oui. ans et demi. Ben oui. Fait que ça, c'est beaucoup d'ouvrages, quoi. Je vais vous poser la question que je pose à tous ceux et celles qui sortent leur biographie. Je leur demande comment vous avez trouvé ça. Parce qu'un peu, c'est votre vie, un peu. C'est un peu écrire une biographie, c'est comme écrire c'est le livre de ta vie. Comment vous avez trouvé ça? Parce que c'est un peu le bilan de votre vie là, que vous faites. Oui, bien, dans un premier temps, tu te poses sur la question. La question, c'est en ce qui me concerne, c'est que ça avait l'air prétentieux un peu. C'est des fois, je me disais, voyons donc. Ouais. Mais l'idée, à la base, n'était pas venue de moi. J'ai dit à plusieurs de mes amis, si tu as des problèmes, puis tu veux aller voir un psychiatre, écrire un livre, bien moi j'ai 3 ans et demi, ça m'a pas coûté une scène. ça vient vraiment chercher les émotions, ça te fait revoir effectivement, c'est comme un film de ta vie. T'es bon, puis t'es moins bon coup, et ainsi de suite. Donc c'est très drainant. Voilà. On va parler de meilleurs coups, justement. C'est quoi? Quand vous avez écrit votre. Quand on écrit votre biographie, c'est le bilan. Votre meilleur coup en carrière, c'est quoi? Oh, je n'ai pas de. Je qualifie pas ce que j'ai fait de nouveau football en meilleur coup, puis okay. En moins bon coup. Ce que je retiens de tout ça, c'est les relations que j'ai pu créer avec. Les gars avec qui j'ai coaché, surtout avec les joueurs, je pense que ça, c'est. Si on est pour parler de bons coups, bien, c'est l'opportunité, la chance que j'ai eue de découvrir des gens en devenir d'hommes. Puis ça, c'est. Ça n'a pas de prix. J'ai toujours pensé que si quelqu'un coach, là, je parle pas du niveau professionnel, mais même là, ouais. On peut ouvrir un débat. Mais au niveau amateur, puis cette personne-là n'aime pas ses joueurs, et puis il s'en fait pas pour ce qui arrive plus en dehors du terrain que sur le terrain durant les matchs, il devrait se poser des sérieuses questions à savoir est-ce qu'il devrait coacher. Ben oui. Est-ce que le fait d'avoir vulgarisé le football, parce que moi je me rappelle, écoute, Jacques Dussault, je me rappelle de lui avec les Concorde en 82-83, je pense que vous commenciez pas mal dans le football à ce moment-là. Hein? Ben je commençais, je veux dire, professionnel, parce que j'avais coaché tout le monde dans la NCAA à Albany durant 2 ans. J'avais coaché avec les Patriotes de l'Université du Québec de Trois-Rivières, dans la Ligue universitaire avant ça aussi. Non, c'était pas mes premiers pas au niveau professionnel. OK. Ce que je veux vous dire, c'est le fait d'être dans les médias. Lorsque je connais Jacques Dussault, je le connais dans le monde des médias, je le connais qu'il a vulgarisé le football. Évidemment, il y a eu Jean Séguin, il y a eu Raymond Lebrun, il y a eu Yves Letourneau, il y a eu Pierre Dumont, Pierre Dufault. Mais moi, dans les années 80, c'était Jacques Dussault que les médias appelaient. Là, parce que là, il y avait moins de canaux de télévision, il y avait moins de médias, il n'y avait pas de médias sociaux. Il n'y avait pas de... Donc, il se passait une grosse nouvelle dans la NFL, dans la Ligue canadienne, ou encore vous étiez analyste, c'était Jacques Dussault que vous appeliez. Est-ce que ça, le fait d'avoir vulgarisé le football, puis de voir qu'il y a autant de... Aujourd'hui, c'est des Pierre Vercheval, c'est des Bruno Eppel, c'est des Mathieu Proulx, c'est Stéphane Cadorette au Journal de Montréal, au Québec. Est-ce que ça, c'est une fierté pour vous? Ah, ben, ça serait encore une fois prétentieux là, de vouloir penser que le succès de gens comme Pierre Vercheval, Bruno Eppel et compagnie, là, ça cause de moi. La seule chose, c'est que lorsque je suis arrivé pour être analyste, c'est certain qu'à ce moment-là, moi, je suis arrivé avec les yeux d'un entraîneur. Ouais. Et souvent, les gens qui étaient là par la suite, puis avant, il y en a qui avaient joué, mais il n'y en avait pas que ça avait été des coachs. Fait que faut dire les choses telles qu'elles sont. Un joueur, ça voit le match d'une certaine façon, un coach à la voix d'une autre façon. Fait que là, ça, il y avait une petite différence à ce niveau-là. Mais c'est bien beau d'être un coach, mais il faut être capable de le vulgariser. Puis ça, vous le faisiez très bien à l'époque. Là. C'est bien beau être coach, mais partager ses connaissances, c'est une autre chose. Et ça, vous étiez très bon là-dedans. Là. Ben, t'es super gentil de dire ça, là. Je me permets de te tutoyer. Puis ouais. Toi aussi, tu devrais me dire, on va se tutoyer. Mais là-dessus, comme je l'écris dans le livre, il faut que je remercie ma mère parce que chez nous, là, sans que l'on soit qu'on soit snob ou quoi que ce soit, loin de là, ma mère avait un amour pour la langue française, puis elle nous reprenait dans nos constructions de phrases, puis dans nos fautes, tout ça. Lorsque je suis arrivé dans Albany State, devant les médias, parce qu'il y en avait beaucoup, étant donné que je suis le premier francophone avec les Alouettes, le fait que j'étais pas beau de l'air, là, mais le fait que j'étais capable de m'exprimer tout de même convenablement. Je pense qu'il y a des gens qui ont accroché là-dessus un peu. Puis c'est pour ça que ça m'a ouvert la porte en même temps au niveau des médias. OK. On va parler de votre passage avec la machine. Je vais vous poser une question un peu vicieuse. Si vous n'êtes pas québécois, est-ce que vous avez la job? Oh, probablement pas. Probablement pas, hein? Il faut dire une chose, c'est que c'était pas... typique de l'équipe de la machine de Montréal. Frankfurt, il y avait des Allemands le personnel d'entraîneur. À Barcelone, il y avait des Espagnols. Ouais. À Londres, il y avait des Anglais. La seule chose, c'est que j'avais tout de même pas mal d'expérience. Maintenant, il reste un fait, c'est que j'ai dit aller passer des entrevues à Dallas. Il y en a une qui a duré au-dessus de 8 heures de temps. OK. Fait que s'il m'avait pas voulu, je pense qu'il m'aurait pas pris. Mais c'est un peu comme pour les... Toute comparaison est boiteuse, mais c'est un peu comme les Canadiens de Montréal. On est bien heureux d'avoir des entraîneurs qui... sont capables de s'exprimer en français. Disons que ça a bien tombé. Maintenant, si tu me demandais ce que tu penses que tu étais prêt pour un travail avec cette ampleur-là, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, là. Nous autres, nos patrons, c'est la NFL. Ouais. La NFL, c'est le summum au football sur la planète. Il n'y avait pas grand-chose qui n'était pas sous la loupe. Est-ce que j'étais prêt? Non. Mais, est-ce que vous étiez respecté par les joueurs? Parce que souvent, on entend... Ah ben oui. Oui, parce qu'on entend dire, parce que le football... Tu sais, on entend souvent dire, parce que le football canadien, que les Américains ne nous respectent pas. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent dire dans les Canadiennes. Oui, mais il y a une différence quand on parle de respecter. Dans un premier temps, peu importe, c'est sûr qu'ils trouvaient ça drôle la façon dont je parle, parce que moi, je viens de Québec, là, j'ai appris mon anglais quand je suis allé à l'Université McGill, j'avais 21 ans. Fait que quand tu apprends une langue à 21 ans, c'est certain qu'il y a un accent assez prononcé qui reste. Que pour les Américains qui étaient là, ils me regardaient et ils trouvaient que c'était... je pense qu'avec 99%, c'est pas 100% de nos joueurs qui avaient jamais, qui n'étaient jamais sortis des États-Unis, pensez-y. Fait qu'ils arrivent à Montréal, c'est un méchant choc pour eux autres. Mais le respect... c'est quelque chose que tu dois acquérir, peu importe que tu sois chinois, japonais, anglais, français, face à tes joueurs. Tu gagnes comment? Ben là, chacun a ses façons de le faire. Mais j'ai eu des problèmes avec des joueurs, mais c'était pas à cause que vous étiez québécois, francophone, anglophone. Il y a toujours eu la même petite farce. Il y en a toujours 3-4 qui... pour pas faire ce qu'ils sont supposés faire, qu'ils font semblant qu'ils comprennent pas quand on leur parle, pas à cause de notre accent, mais disons que ça, j'ai réglé ça assez rapidement. OK. Jacques, moi, cette ligue-là, là, est-ce que la NFL, on parle d'une troisième ligue, là, on parle d'une ligue, on a parlé de la XFL qui va démarrer au mois de février, on parle de l'Alliance Football League, c'est une vraie joke, là. Puis il y a 3-4 projets de ligue de football, d'autres très très mineurs aux États-Unis. Donc on cherche une ligue de printemps, puis moi je me dis que la nature a horreur du vide, puis c'est de valeur. Est-ce que la NFL a tiré trop vite la plug? Moi je trouve que ça, le concept est bon, une équipe à Montréal, une équipe à Londres, une équipe à Barcelone, je trouvais ça le fun. Est-ce que c'est la NFL? Ce qui est arrivé, c'est parce que c'est à l'époque où les joueurs ont réussi à avoir... leur statut de joueur autonome. Okay. On se souvient qu'à cette époque-là, tu ne pouvais pas. Tu signais un contrat, tu faisais ton contrat, puis après ça, tu continuais. Que quand les propriétaires se sont aperçus de ça, ils n'ont pas vraiment été heureux, parce que là, on se comprend qu'il allait avoir une surenchère sur les joueurs. C'était une façon de se venger, là. J'ai pas le terme juste, en disant, OK, vous voulez faire ça, on va vous couper tout de même plusieurs emplois un peu partout, et c'est ce qu'ils ont fait avec la Ligue mondiale. Mais par la suite, cette Ligue-là, maintenant, c'est appelée la NFL Europe, où c'était une Ligue qui était faite essentiellement pour les carrières, parce que un corps arrière dans la NFL, s'il est le troisième durant la saison, le seul moment qu'il touche le ballon, c'est quand il lance avant les sessions d'entraînement, parce que là, on veut donner toutes nos répétitions à nos corps arrière partants. C'est que ces gens-là n'ont aucune action en temps réel, c'est-à-dire des actions de match. C'est pour ça que des fois, on voit arriver un troisième carrière, puis tout le monde se regarde en leur disant, puis donc, il ne sait même pas jouer, ce gars-là. C'est parce qu'il n'est pas prêt, il n'est pas préparé pour faire face à une action en pleine vitesse, une action de match. OK. Jacques, moi, ce qui m'a impressionné aussi, à part que la passion du football, puis je te l'ai dit, tu es un pionnier du football au Québec, c'est ton humilité. T'as dirigé la machine après ça. Si je me trompe pas, vous êtes allé en France après ça. Ça prenait quand même une certaine humilité pour partir de la Ligue, de la NFL, être un employé de la NFL, puis aller diriger en France, puis après ça, aller diriger l'équipe collégiale de football. Ça prenait quand même... Ou un passionné, ça reste un passionné. Après la machine, je suis allé coacher des atomes. Mais si, fait que là... la mentalité au Québec là-dessus, la mentalité aux États-Unis, C'est deux mondes à part. Moi, j'ai beaucoup d'amis d'entraîneurs aux États-Unis. Et puis, je vais te donner un exemple. Quand je suis allé il y a quelques années à l'Académie des Estacades, c'est du football secondaire, j'avais parlé avec certains de mes amis. Ils ont dit, tu as remarqué, lorsqu'il y a des entrevues à la télévision, quoi que ce soit, les jeunes mentionnent toujours leur entraîneur au niveau secondaire, parce que c'est là que tu peux avoir un impact le plus fort sur les jeunes. Ils sont en pleine crise d'adolescence, ils ont 13, 14, 15, 16 ans. Moi, quand j'ai vu ça, et pour te donner un exemple de ce que tu viens de me demander, là, les gens du Québec, on parlait d'une démotion. Puis de l'autre côté, j'avais des amis qui coachaient dans la NFL qui m'appelaient pour me féliciter. Parce que coacher, pour moi, c'est peu importe le niveau, c'est coacher, je l'aborde de la même façon, tout en comprenant la différence entre être un professionnel et puis un amateur. Mais les exigences sont les mêmes. La compréhension de ce qu'on doit faire, c'est la même chose. J'ai toujours pensé que certains entraîneurs qui disaient « Ah, ben les jeunes comprendront jamais ça », me suis dit « C'est peut-être parce qu'ils savent pas vraiment comment leur expliquer ». Mais ça reste quand même que tu ne sais pas. Là. C'est diriger des professionnels, puis diriger des jeunes atomes, diriger des Français, c'est pas du tout la... Faut que ça demande de l'adaptation pareil, là. Ah, ben ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais. Parce que quand je suis arrivé à l'Académie de Stacade, là, c'est pas la même chose. Ce qui est important, et puis, c'est de comprendre ce que tu peux demander à tes jeunes, puis ce que tu peux pas leur demander. Ça, il y a beaucoup de jeunes coachs et de coachs peut-être un peu plus âgés qui ont de la difficulté, là, à concevoir ça. On demande à un jeune carrière de faire des passes de 50-60 verges des fois. On demande toutes sortes de choses qui sont pas faisables. Ouais. Mais ça, je pense que c'est la chose la plus importante. Jacques, il me reste deux, trois petites questions que je veux te poser avant de faire la publicité puis dire aux gens où ils doivent trouver le livre. Es-tu inquiet du football québécois? Parce que moi, je reste en région, tu dois savoir de quoi... donc là, vous êtes rendu en région actuellement. Moi, ça pratique plus bien le football. Je vais te dire une affaire, là, il y a eu une mauvaise publicité. Les ligues de printemps de football ont tombé. Les équipes collégiales, Jonquière, vous devez en entendre parler, Jonquière et Chicoutimi sont obligés d'aller en France pour compléter leur équipe. Alma a disparu. Comment tu trouves ça, toi? Est-ce que tu es inquiet? Ben oui, je pense qu'à un moment donné, à vouloir en faire trop, ben on a causé des problèmes. Tu sais, c'est une saison de football en tant que telle, c'est déjà très exigeant. Là, tu ajoutes l'équipe du Québec, l'équipe du Canada, la coupe d'ici, la coupe ça. Ça veut dire que le jeune passe son temps à jouer au football. Il y a zéro période de récupération. Il peut pas vraiment se préparer physiquement. Là, il y a des camps de printemps. Ouais. Je veux dire, c'est trop. Là. À un moment donné, il faudrait qu'il y ait des règles spécifiques là-dessus. Et puis, en plus de ça... L'histoire des commotions cérébrales. Ben oui, c'est sûr que ça fait peur à bien du monde, mais il faut dire qu'il y a des gens qui ont couru après. Là. Et moi, j'allais voir des sessions d'entraînement. Tu sais, c'est plus pareil. Là. Les affaires de vouloir trouver qui est-ce qui est, tu sais, dans notre langage chez nous, qui c'est qui est top sur le terrain, puis les faire foncer les uns dans les autres pendant 10-15 minutes, ça n'a plus sa place, ça. Fait que là, ce qui arrive, ben, on en paye un peu le prix, mais les solutions qui sont prises, là, rendues au niveau secondaire maintenant, c'est des quarts de 12 minutes ou 15, au lieu de 15 minutes. Pour moi, ça, c'est grotesque. Là. C'est pas ça. C'est pas là qui est le problème. Le problème, c'est que durant la saison régulière. Je peux pas concevoir que des gens pratiquent avec l'équipement complet, qu'il y a des contacts durant durant la saison régulière. Faut que tu approches ça le plus près possible d'une situation de match, mais si tu n'es pas capable de montrer à tes jeunes comment jouer sans qu'ils se foncent les uns des autres, là, tu as un sérieux problème. Tu arrives au printemps, là, ça recommence. Les contacts. Donc, en bout de ligne, c'est beaucoup plus... trop exigeant. Est-ce que ça t'inquiète l'avenir du football? Oui, mais je pense que c'est inquiétant, mais c'est une... je pense que c'est une crise de génération. Là. Les jeunes se posent la question, pourquoi faire que j'irais m'entraîner 4 fois par semaine? Pourquoi faire que je ferais des sacrifices l'été pour ça? On est peut-être un petit peu dans la facilité. Là. En plus de ça, si le jeune n'a pas un succès immédiat, ben là, ça donne quoi de pratiquer si tu joues pas trop souvent? C'est ça la mentalité maintenant. OK. Donc, Jacques, il y a quelqu'un qui me pose la question, ton plus grand regret comme coach? Wow! le plus grand, c'est de ne pas avoir gagné plus de parties. On n'en gagne jamais trop. Ouais, c'est sûr. Le plus grand regret... T'en as pas. Je veux dire, il y a des choses qui vont me... Il y a une année, je suis allé coacher en France. On n'a pas perdu un match de la saison, puis on a perdu en finale. Elle m'a chatouillé un petit peu. J'aurais aimé ça parce que l'équipe que j'avais, c'est des gens assez incroyables, les Anges Bleus de Joinville-le-Pont à Paris. J'aurais aimé ça être capable de poursuivre avec les Carabins. Ouais, OK. Puis aller chercher une Coupe Vanille, des choses comme ça. Mais disons que rien qui m'empêche de dormir. OK. Donc, c'est aux éditions Tubi, c'est pas encore en kiosque, c'est à partir de le lancement officiel, c'est demain, hein? Oui, je pense que c'est demain. Ouais, Ça va être renouvré là, dans les bibliothèques. Oui, dans les bibliothèques. Dans les magasins de livres. Les librairies, voilà. Les librairies, et ainsi de suite. C'est aux éditions Tubi, c'est très intéressant. Moi, j'ai bien hâte de lire ça, parce que Jacques Tchou, comme je l'ai dit, c'est un pionnier du football. Si le football est devenu ce qu'il est devenu, ben, il y a une partie de Jacques Tchou là-dedans. C'est bien gentil de me dire ça. C'est très apprécié. En terminant, les Alouettes, Jacques, comment tu trouves ça? Est-ce que tu es inquiet? Est-ce que le club se vend pas? Moi, ça m'inquiète un peu. Les 2 prochaines semaines sont déterminantes. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je pense que l'équipe va se vendre. Ça, c'est pas un problème. Je pense que la Ligue canadienne de football n'a pas encore compris. Ouais. Il y avait des intérêts francophones qui étaient là. Et puis, ça veut pas, ça leur rentre pas dans la tête. Je pense que ce coach Gary Jones, un gars de votre coin de pays, André Bolduc, fait un travail exceptionnel. Mais là, on annonce aujourd'hui que Gary Jones a signé un contrat pour 3 ans. Mais t'as pas de gérant général. Ouais, ouais. Là, tu marches à l'envers encore une fois. Je me suis dit, j'ose pas utiliser ce mot-là, mais j'ai dit, Chris, ils comprennent pas. C'est parce que le gérant général, c'est lui qui va chercher son entraîneur-chef. Là, tu amènes un entraîneur-chef, ça veut dire qu'on comprend assez facilement que celui qui va devenir gérant général, c'est pour dire, regarde, on va te donner le travail, mais ça va avec Carey Jones. Ça peut faire peur à de bons candidats. Puis là, je ne dis pas que Carey Jones n'est pas bon. Loin d'être là, c'est un très bon coach. Mais lui aussi, à un moment donné, si ça commence à mal aller, ben, tu sais comme moi, ça va être là, ben, si t'as pas le gars du gérant général. Fait que là, il va toujours avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais je pense que la deuxième moitié de saison recréer un momentum puis un intérêt. C'est ça qui est un intérêt, c'est en plein ça. Puis regarde, ça, c'est bien plaisant. Enfin, on va voir, mais c'est la Ligue canadienne, ça change tellement vite que on va voir l'année prochaine comment ça va fonctionner du côté des Alouettes. Mais là, tout de même, il y a des bases solides. Jacques Chou, un gros, gros merci. J'ai très hâte de lire ça pour le plaisir de se reparler. Ben, c'est moi qui te remercie. C'est toujours un plaisir. Ça me rappelle de bons souvenirs. J'avais été à Alma, donné une clinique. La Ligue Henri-Paul Auger. J'allais là souvent. Puis ainsi de suite. Fait que c'est que de bons souvenirs. Ben, regarde, on a Shane Gauthier qui a gagné la Coupe Grey avec les Bombers de Winnipeg. Ben oui. Et Shane, il était dans cette Ligue Auger-là avec les Patriotes de Dolbeau-Mistassini. Donc, Fait tout un plaqué durant le match de la Coupe Grey à un moment donné. Oh! C'est une unité spéciale. Hein? C'est tout un joueur de football. Ben, merci beaucoup, Jacques, notre collaborateur. C'est moi qui te remercie. Jacques Dussault.